Chapitre 6. Eléa Ril Morienval était une traîtresse, un serpent que l'Empire abritait en son sein. Mais l'oreille du seigneur Saïl Muran, qui pourtant n'était acquise, refusa d'entendre la vérité. Maître Carboast, mémoire du septième cercle. Maître Douhomme et Artis Valpierre étaient absents. Mais le reste de la compagnie se prélassait dans de profonds fauteuils de cuir disposés autour d'une table basse sur laquelle étaient placés des rafraîchissements. Chiamvit avait passé une jambe par-dessus un accoudoir et sirotait un verre de bière. Il semblait apprécier la situation et discutait avec Elana. Bjorn et Salim, qui, à son habitude, faisaient preuve d'une abominable impertinence, se chamaillaient. Seul Maniel paraissait mal à l'aise. Et tout naturellement, une fois son arrivée saluée par des exclamations, Camille se dirigea vers lui. Contrairement aux autres, le colosse se tenait droit dans son fauteuil et n'avait pas touché aux boissons. « Un problème ?» s'enquit-elle. Maniel regarda autour de lui, indécis, avant de répondre. « Je n'ai rien à faire ici. Que veux-tu dire ? Je suis un simple soldat. Ma place n'est pas dans le palais de l'empereur. Mais tu as couru les mêmes dangers que nous, objecta Camille. Tu as vécu les mêmes moments difficiles. Il est normal que nous nous retrouvions ensemble. Les autres s'étaient tus et suivaient l'échange avec attention. Maniel sourit tristement. Le danger fait partie de la vie d'un soldat, exposa-t-il. Ce que tu as vécu est sans doute exceptionnel pour toi, mais constitue mon quotidien. Je ne dois m'attendre à rien d'autre. Je ne suis ni noble ni riche. Ma place est devant les portes de la ville à surveiller les entrées ou au cœur des batailles à combattre les Raïs. C'est ainsi. Edwin Tililan me l'a encore rappelé avant que nous atteignions Aljet. Camille se sentit envahie par un flot de colère. « Tu dis n'importe quoi !» s'exclama-t-elle. « En quoi la noblesse ou l'argent ont-ils un rapport avec la place qui doit être la tienne ?» Elana, Bjorn, aidez-moi à lui expliquer que... » Elle se tut en voyant les figures fermées de ses compagnons. Chiamvit prit la parole. « Tu comprends maintenant pourquoi je te dire que les Faël et les humains être différents. Chez nous, seule la valeur comptait. La naissance et l'or ne vouloir rien dire. Un Faël devenir ce qu'il avoir envie de devenir, pas un homme. Mais ce être ainsi... Maniel demain gardait les portes d'Aljet. Une minorité commandait, les autres obéir. Et si tu ne pas me croire, demandez à tes amis ce qu'ils avoir envie de faire et ce qu'ils faire vraiment. » Camille, défaite, se tourna vers les autres. Personne n'osait parler et le silence devint écrasant. Finalement, Bjorn se gratta la gorge et se lança. « Je t'ai avoué à quel point tu as transformé ma vie. » Je ne demanderai qu'à continuer, mais... » Le chevalier avait l'air affreusement gêné. Il poursuivit malgré tout. Avant d'arriver à Aljet, Edwin Tililan m'a également annoncé que mon rôle s'arrêtait là. Des hommes de la Légion Noire vont prendre le relais. Je repars demain, une nouvelle fois sans but. Camille prit une profonde inspiration et se tourna vers Elana. La jeune femme sourit tristement. Tu sais pourquoi je suis ici, n'est-ce pas? Je dois, sur mon honneur, sauver 3 fois la vie d'Edwin. Je me suis toutefois attachée à toi et à cette tête brûlée de Salim. C'est sans doute mon irrépressible romantisme qui le veut, et je serai volontiers restée près de toi jusqu'à la fin de ton parcours. Cela m'a été refusé. J'ai reçu le même message que Bjorn et Maniel. Camille poussa un affreux juron, mais Chiam n'en avait pas fini. Que croires-tu donc? Qu'Edwin Tililan allait te chouchouter et t'entourer de tes amis? Je ne pas savoir quelle être ta mission, et je ne surtout pas vouloir la connaître. Par contre, je comprendre quelle être importante pour l'empereur et son général maître d'armes. Il n'y avoir que ça qui comptait. L'amitié et les sentiments être partie négligeable. Imaginais-tu que Salim avoir le droit de continuer avec toi? Je être prêt à parier mon arc qu'on lui avoir déjà prévu une voie de garage. Alors comprendre Maniel lorsqu'il te dire qu'il ne pas avoir sa place ici. » Camille serra les poings. « Vous auriez envie de continuer » siffla-t-elle. « Ça vous est interdit? Chacun a sa place, c'est ça? Personne n'ose soulever d'objection? Tu viens, Salim ? Le garçon se leva d'un bond. « Pas de problème, ma vieille !» lança-t-il avec entrain. « Je te suis. Sur qui vas-tu passer tes nerfs cette fois ?»« Sur ce faucheton Edwin !» cracha Camille. Suivie de son amie, elle sortit par la porte qu'elle avait franchie quelques minutes plus tôt. « Qu'est-ce qu'on fait ?» s'inquiéta Bjorn. « Ça risque de chauffer. »« Rien, » répondit doucement Elana. « On ne fait rien. » Un sourire s'épanouit sur ses lèvres, reflet de celui qui fendait le visage de Chiam. Bjorn faillit insister, mais il se ravisa et laissa éclater un rire joyeux. « Général des armées de Gwendalavir, » énuméra-t-il, « maître d'armes de l'Empereur, vainqueur des 10 tournois, commandant de la Légion Noire, je parie 100 pièces d'or sur la petite. »« Paris non tenu, » s'exclama Chiam vite. « Il n'a voir aucune chance. » À chacun des pas qui la rapprochait d'Edwin, la colère de Camille croissait. Elle marchait à grande enjambée et Salim avait du mal à suivre. Il est vrai qu'il perdait beaucoup d'énergie en boutade, lancé plus pour se rassurer que pour la distraire. Étrangement, elle atteignit sans difficulté la pièce où elle avait rencontré l'empereur. Elle entra sans frapper. Silafian et Edwin, penchés sur des cartes, levèrent la tête. « Ewilan !» s'exclama Edwin. « Que fais-tu ici ? Est-il vrai que vous avez refusé le droit à Bjorn et à Elana de nous accompagner ? Est-il vrai que Maniel va se retrouver scotché aux portes de la ville à compter les passants ? Est-il vrai que vous avez prévu de nous séparer, Salim et moi ? » Le ton de Camille était allé croissant pour finir sur un cri. Salim en resta béat d'admiration, mais lorsqu'Edwin se redressa furieux, il se sentit tout à coup minuscule et insignifiant. « Ça suffit, Ewilan !» asséna le maître d'armes. « Je sais ce que je fais, et ton avis ne m'intéresse pas !» Salim, à cet instant précis, aurait préféré se retrouver face à un Tzlich plutôt que face à Edwin. Pâle, les dents serrées, le maître d'armes était effrayant. La réaction de son ami le laissa pantois. Elle éclata d'un rire mauvais. « Je m'appelle Camille !» cracha-t-elle. « Pas Ewilan, et je refuse d'obéir à vos ordres idiots et arbitraires !» « Je refuse d'abandonner mes amis !»« Ne sois pas stupide !» lança Edwin en se dominant difficilement. « Il ne s'agit pas d'amitié, mais d'efficacité !» Bjorn et Maniel, pour courageux qu'ils soient, ne valent pas au combat les hommes de la Légion Noire. Douhomme est trop vieux pour continuer, et Lana ou Chiam manquent de discipline. Quant à Artis, c'est un rêveur. Je n'ai pas à prendre de décision à son sujet. Peux-tu comprendre ça ?» Camille avait croisé les bras et défiait Edwin du regard. « Non. Vos légionnaires ne sont rien pour moi. Ils ont beau être des surhommes, ils sont incapables de sauver l'Empire. Bjorn, Elana et les autres ont fait leur preuve jusqu'ici. Ils désirent continuer. Ils en ont le droit. » Silafian ouvrit la bouche pour intervenir, mais Edwin ne lui en laissa pas le temps. « Tais-toi !» s'emporta-t-il. « Tu n'es qu'une gamine capricieuse. Tu me fais perdre mon temps. « Va-t'en !» Camille devint livide. « Je suis capricieuse !» siffla-t-elle. « Vous êtes un dictateur. Vous voulez que je m'en aille ? Je ne demande pas mieux. Allez donc ordonner aux sentinelles de se réveiller et, si elles n'obéissent pas, peignez-les en bleu !» Elle renifla sèchement et leva le menton d'un air fier. Elle attrapa le bras de Salim et soudain, Edwin et l'empereur se retrouvèrent seuls. « Elle a fait un pas sur le côté !» s'exclama Silafian. « Où est-elle allée ? Il faut la retrouver !» Edwin avait déjà quitté la pièce.